Salut Charline. Eh, bah, dites donc Alex, félicitations. Quoi ah, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, la chemise là. Ah, j'ai mis le paquet pour la chemise. Ah oui, on a vu, merci. Vous les filles, les lunettes de soleil, peut-être pas nécessaire quand même. Bah oui, mais vu la chemise d'Alex, ça pique les yeux là. C'est pas faux. Alex, pourquoi cette chemise? Parce qu'on reçoit Kent, c'est un des plus gros concurrents en matière de chemise bariolée. Ah, bah dis donc, c'est la mine comme la tienne. Non, moi je préfère encore faire l'émission dans le noir. Ça va m'a coûté une fortune cette chemise. Je me la suis fait faire dans les rideaux de la discothèque d'un ami congolais. Ah ouais, t'as mis toutes les choses de ton côté. Ah oui, évidemment. Bon, on va passer l'après-midi sur ma chemise, les thèmes. Bah, on peut récupérer celui d'hier. Oui, on a les sons. Pourquoi? On n'a jamais fait deux fois un sujet. Mais on l'a pas fait hier, Alex. J'étais pas concentré. Ah bah justement, bah tu vois, c'était un sujet sur la concentration qui diminue chez les jeunes. Ça, c'est des conneries, laisse-moi dire, c'est des conneries. Mais pourquoi on pas fait le sujet? Parce que la chronique de Clara était un peu trop longue. Quand Clara parle, c'est jamais trop long. Ah bah, dis pas pareil de toi, figure-toi. Moi, je suis pas rendu compte. Ah si. Bon, bah t'es pas concentré, hein. Tu vois que c'est un bon sujet finalement. C'est des conneries, la concentration. Donc on a un sujet, très bien. Voilà, papa, on passe au deux suivants. Et bah, on pourrait faire un sujet musique. Ah bah oui. Ah bah oui. Musique. Mais l'invité, Alex, c'est un chanteur. Ça pourrait lui faire plaisir. Ah bah ouais. C'est qui l'invité? Mais regarde ta chemise. Ah, c'est Kent. J'étais pas concentré. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui envoie l'info au fond de la lucarne avec la main. Et voici les trois informations qu'on va acheter pour ne pas faire de vagues jusqu'à 18h. Les syndicats ne marchent jamais main dans la main. Cette fois, ils l'emploient à écrire ensemble un texte dans l'esprit du 11 janvier. C'est beau le syndicalisme uni. Enfin presque, parce que comme à chaque fois, il en manque un quand même. Je suis syndiqué, je suis ta FO. FO, c'est un syndicat qui est beau. FO, le syndicat qu'il vous faut. Le festival de Cannes de la production musicale ouvre ses portes, c'est le MIDEM, où le streaming redonne espoir à tout le secteur. Les producteurs de streaming, les producteurs en général, ne jurent que par lui. Ce qu'il nous faut, c'est le buzz. Le buzz sur Internet. Moi, je vois bien avec mes enfants, c'est là où tout se passe aujourd'hui, hein, Internet. Hein. Salut. Le manque de concentration est un mal du 21e siècle. Nous, on n'est tellement pas concentrés que c'est le sujet d'hier qu'on a oublié de diffuser. Mais on se soigne et on s'est mis au coaching avec les meilleurs. Pouvez-vous me dire le numéro du compte en banque de madame? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est pas... Et pour arbitrer ces informations, je suis accompagnée de celui qui met la main aux fesses de l'info. Oui, c'est ça, Alex Vizorek. Très très bien. Et autour de cette table, avec des chemises moins bariolées que notre invité, mais en forme quand même, à 17h20, l'homme le plus hétéroclite de Radio France. C'est un couteau suisse de la chronique. Et j'ai dit couteau suisse parce qu'il est mi-aiguisé, mi-planqué. Notre générateur officiel de jingle, Thomas VDB. Plus planqué qu'aiguisé quand même, mais oui. C'est bien moi. Bonjour Alex. De quoi va-t-on parler? Eh bien, on va parler d'un coffret de CD qui va sortir très bientôt et qui a la particularité d'être un très très très très gros coffret de CD. Bon teasing à 17h30, notre nouveau spécialiste du tennis. Car oui, notre gauchiste maison comprend tout à fait que des riches qui payent peu d'impôts supportent des exilés fiscaux autour d'une balle jaune à la seule condition que d'un côté du court il y ait Anna Ivanovitch. Bonjour Guillaume Meurice. Oui, c'est pas faux, c'est pas vous. Vous avez changé. Ouais, c'est vrai. Moi je me suis rendu, alors ça n'a rien à voir, hein, je me suis rendu au grand congrès mondial du gaz. Et oui, on y a parlé de tous les gaz. En plus avec le gaz de shit. Voilà, gaz de shit, hein, bien évidemment. Et 17h40 aujourd'hui. Exceptionnellement, il y a une canicule météorologique. Sauf qu'avec elle, c'est tous les jours une canicule intellectuelle qui nous tombe dessus tant on suffoque sous le poids de sa culture. C'est Clara Dupont-Mono, bonjour. Bonjour, tant que c'est pas la banquise. C'est, je ne vous le fais pas dire, mais vous m'inspirez beaucoup plus que la banquise. Très bonne blague. Alors allez-y, après faites-moi un sommaire plutôt. Chacun son boulot. Après le tweet foireux qui annonçait par erreur la mort de la reine d'Angleterre, focus sur l'humour anglais. Et enfin, celui qui vous poursuit tout un week-end avec ses refrains entêtants et ses paroles très gênantes, mais vous les chantonnez quand même, c'est Frédéric Fromet et il viendra nous faire une nouvelle chanson à 17h55. Et nous sommes aussi sur les réseaux asociaux, Twitter, hashtag annule tout, et devenez aussi notre ami imaginaire sur Facebook. Allez, dans cette émission, nous sommes accompagnés d'une personne de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous René Coty. Vous publiez vos premiers dessins dans Métal Hurlant en 77 quand Johnny Hallyday chante Gabriel. Non, attendez, quand Johnny Hallyday crie Gabriel. Voilà. Vous entamez votre carrière solo de chanteur en 83 quand le premier compact disque est commercialisé en France. Vous remportez la victoire de la musique de la chanson de l'année pour Juste quelqu'un de bien chanté par Enzo Enzo en 95 quand Jacques Chirac annonce la reprise des essais nucléaires. Quelqu'un de bien, Jacques Chirac. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Ce week-end. Bienvenue. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Oh, c'était beau, vous pouvez le refaire ? Je suis Ken. Et moi Barbie. Oui. Barbie. Oui, mais c'est Ken et Barbie. Dans mon cas, Kent et... Non. Oui, non, c'est pas arrivé. Je le sentais. Il y a un article de presse, ça devait être dans Libé, qui avait titré Kent le survivant. Je me souviens. C'est Libé. Je sais pas quoi le prendre. C'est un compliment. Kent, 30 ans de carrière. Vous ne les faites pas. Donc, mais oui. 30 ans de carrière solo. Oui, solo. Voilà. Et le coffret de l'intégrale 14 albums sort. Voilà, ça y est. Alors, en 13 CD plus un CD bonus. Alors, il y a aussi un ouvrage dans la tête d'un chanteur, c'est publié aux éditions Le Castor Astral. Ouais. Qui est inspiré de l'émission que vous avez faite tout un été sur Inter. Oui, c'est cette émission, cet été où on s'est connus, ma chère Charline. Oui, c'est vrai, on s'est connus. Ah oui, c'était beau. C'était notre premier été, nos premières émissions avec Alex Vizorek. Voilà. Premier alors, concours de chemise. On va commencer par. Dites donc, alors on ne sait pas par quel bourg prendre, très CD. Quand on sait qu'on va en parler tout à l'heure, la musique en streaming est en train de relancer l'industrie. Ici, on a un très bel objet qui est un coffret qui ne prend pas beaucoup de place. On va parler tout à l'heure des coffrets qui prennent de la place avec Thomas VDB. Mais celui-là, il est, je vous le conseille, il est très simple, très pratique. Et pas cher. Vous vendez la musique en disant c'est un excellent disque parce qu'il se range facilement, il est très bien compacté. Déjà, c'est bien. Je suis désolée, mais voilà. Ouais. Mais sur ces 30 ans de carrière, est-ce que, si on écoute les 13 CD, on peut se dire, tiens, Kent, on peut par exemple dire qu'il y a un mouvement de balancier entre votre versant rock, voire punk au début, parce que vous étiez d'abord en groupe, et puis votre versant parolier amoureux de la langue française et qui concilie les deux et qui fait que vous êtes si singulier. Ne dites pas non, parce que je vais être emmerdée sinon. Je peux répondre par oui. Bah écoutez, c'est un éditorial. Non, oui, tout à fait, c'est ça, oui. Merci, très bien. J'ai deux amours, la chanson et le rock, et mon cœur balance entre les deux, et pas que mon cœur, l'inspiration passe de l'un à l'autre, et j'en suis très content. Et c'est exactement ça qu'on peut se dire en écoutant votre 13 CD. Est-ce qu'il y a un ordre pour les écouter ou on peut les écouter de manière aléatoire? Ah, c'est marrant d'écouter dans l'ordre, je pense. Parce que c'est vraiment, parce que c'est le parcours d'une vie musicale. Donc, ça démarre pas sur les chapeaux de roue, ça démarre lentement, malgré ma préhistoire archi connue dans Star Shooter en tant que grand groupe mythique. Non, après, je démarre vraiment à zéro. Et surtout, je démarre en tant qu'ex-Star Shooter, ce qui était quand même un peu lourd à porter à ce moment-là. Ouais. Et je mets un certain temps à démarrer, donc à chercher ma voix. C'est intéressant, je trouve ça intéressant. C'est un coffret qui marche au diesel. On rentre dedans doucement. Non, pas le diesel. Ça marche aux énergies renouvelables, je pense. D'accord. Non, au gaz de shit ou pas du tout? Gaz de shit, pas trop, non. Non, mais c'est comme le brouillon de, entre guillemets, de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Il avait écrit Vie et mort de Jean Santeuil avant la recherche du temps perdu et ça reste aujourd'hui comme le début. Tout doucement, et après il y a la maturité vers l'auteur beaucoup plus accompli. Là, vous pouvez lui dire non, par exemple. Non, mais c'est tout à fait proustien. En fait, c'est un coffret proustien. Voilà. Je suis d'accord. Et alors, ce qui est intéressant, sans doute, c'est d'écouter les 13 CD et de lire le livre Dans la tête d'un chanteur où vous expliquez le processus de la création. Bah, parfaitement. Et c'est comme si vous disséquiez votre coffret, en fait, et toute votre inspiration. Par exemple, pour les paroles, vous conseillez d'éviter les périodes de grand bonheur. Oui. Vous expliquez qu'on on crée plutôt dans une petite mélancolie. Et vous racontez l'utilisation de la parabole et de la métaphore pour les paroles. Oui, ça c'est important. C'est important. Le sujet traité de front, en général, ça fait des chansons très lourdes. Voilà. Alors peut-être qu'elles parlent vite aux gens, mais c'est pas toujours heureux, quoi. Et vous donnez l'exemple de Marcia Baïla, d'Erida Metsuko, par exemple. Pas dans ce chapitre-là. Vous citez Michel Sardou à un moment du livre? Parce que lui, par exemple, il est plutôt frontal sur les thèmes. Oui, il a fait quelques belles chansons, mais parfois non. Bon, vous savez quoi, le mieux, c'est d'écouter ce que Kent a fait entrer vraiment au patrimoine, à la mémoire commune française. C'est J'aime un pays, Kent, évidemment, qu'on peut retrouver donc, sur le coffret. 30 ans de carrière de Kent, et puis le livre Dans la tête d'un chanteur aux éditions Le Castor Astral. Vous êtes sur France Inter. J'aurais préféré une chanson d'amour, sans un mot déplacé, tout en détour, baigné d'insouciance et sourire en fleurs. Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays qui a le paf tout ramolli. Dans ce pays, y a des chanteurs pour l'Arménie. Mais y a surtout un paquet de bénis, oui, oui. Et quand ça chie, on n'est pas beaucoup dans le maquis. J'aime un pays pour la liberté d'expression, à condition que ça puisse rapporter des ronds. Tout est permis, de Jean-Marie à Khomeini. Aussi tant pis pour ceux qui croient à tout ce qu'on dit. J'aurais préféré une chanson d'amour, sans un mot déplacé, tout en détour, baigné d'insouciance et sourire en fleurs. Mais j'ai comme un haut le cœur. J'aime un pays où tout le monde a la parole, surtout les jeunes qui aiment bien le rock'n'roll. Celui qui brille, celui qui mousse et fait des bulles. Belle jeunesse qui rit quand on l'enfile. Ce pays, j'y peux rien, c'est dans ma nature. Je dis tout ça pour faire le malin, ça c'est sûr. Tant pis pour moi si après ça on est embrouillé. Mais mon amour, tu sauras qu'au moins j'ai les bouts. C'est bon d'entendre Kent chanter « J'aime un pays, j'aime ce pays » et de l'avoir avec nous en studio sur France Inter jusqu'à 18h. Ce pays qui permet de porter des chemises comme les vôtres, Kent, et c'est ça aussi, un pays libre. Et autour de la table, Clara Dupont-Molo, Guillaume Meurice, Thomas VDB et tout à l'heure, 17h55, la chanson de Frédéric Frobet. Et tout de suite, Alex Vizorek pour lui-même une revue de presse à deux voix, parce que je vous surveille. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire ? C'est l'info au kilo. Ah, il y en a un peu plus, je vous le mets. Et on commence avec Rachida Dati. Oui, ce matin, elle était l'invitée de Jean-Jacques Bourdin et elle a essayé de lui faire passer un message, mais il n'a pas voulu comprendre. Vous vous souvenez là, oui, de ces fameuses factures, ah, oui, à la fois lorsque vous étiez, oui, ministre garde des Sceaux. Monsieur Bourdin, parce que vous, au moins, ah bon, vous avez, vous n'êtes pas comme des petits merdeux de journalistes. Ah bon, il y a des merdeux de journalistes. Oui, il y a des merdeux de journalistes, Jean-Jacques, et je pense qu'il y a un petit message là-dedans. Passons à mon... Oui, où les horodateurs de la ville ont été piratés. Non. Si, et sur 500 tickets sortis samedi dernier, il y avait un message cocasse. Ah bon, et qu'est-ce que disaient les machines ? Il était inscrit « Copé voleur ». Ah oui, mais ça, l'intelligence des ordinateurs nous surprendra toujours. Hein. Passons à la porte d'Auteuil. Allez. Oui, d'après Closer, on serait passé à deux doigts d'un drame dans les allées de Roland-Garros. Julie Gayet a failli croiser Valérie Trierweiler. Oh, écoutez, ça aurait fait une bonne équipe de double dames. Effectivement, en plus Valérie Trierweiler a un très bon revers, vu qu'elle a l'habitude d'en prendre. Alex, vous avez regardé aussi la télévision hier soir. Une fiction. Non, je n'aime pas trop la fiction parce que je trouve que les scénarios ne sont pas bons et que les acteurs sont parfois moyens. Ah, alors qu'est-ce que vous avez regardé alors ? Eh bien, j'ai regardé Complément d'enquête sur les Balkany. Ah. Là, les scénarios sont magnifiques de créativité et les comédiens d'une sincérité indiscutable. Ça, alors, je vous passe mon passage préféré. Quand Patrick Balkany remet à sa place quelqu'un de l'opposition au conseil municipal de Levallois-Perret. Vous avez quand même réussi, avec les recettes de fonctionnement de Levallois, à en faire la ville la plus en dépôt de France. Mais écoutez, on a surtout la ville où tout le monde a envie de venir habiter. Et si vous voulez bien la quitter, je ne vous retiendrai pas. Au revoir. Jean Gabin revient. On t'arrête de gueuler, René. On n'est pas loin de ça. On termine par une belle histoire. Oui, je vous lis ce titre qui m'a ému. Un aveugle américain tente de faire la traversée Cuba-Floride en kayak. Ah, ce sera un bel exploit. Ce sera un très bel exploit. Et il est attendu en septembre à Saint-Malo. Alex Vizorek, oui. Vous savez, vous êtes une œuvre d'art aussi. Oui, c'est vrai. Et vous jouerez demain soir près de Clermont-Ferrand. Tout à fait, à la Baie des Singes. À la Baie des Singes. Allez, oui. Je connais. Ah, c'est une belle salle. Ah, chouette, super. Ah bon ? Gens très sympas. Tout à fait. C'est vrai. Et ils accueillent Alex Vizorek. Alors ça, c'est dingue. C'est pour ça, c'est des accueils très sympas. Alors, le premier sujet avec vous, Kent. Les syndicats ne marchent jamais la main dans la main. Ils ne défilent jamais ensemble. Et là, cette fois, commettent un texte ensemble dans l'esprit du 11 janvier. Hein, c'est beau le syndicalisme uni. Enfin, vous savez, il en manque un, mais bon, ils sont, pour une fois, ils sont unis et ils disent que c'est historique. Attention. Bonjour, tu vas à un rassemblement ? Bien sûr. Mais tu connais le chemin ? Tiens, je te donne mon plan. Merci beaucoup. Tu peux monter. Merci. Poussez-vous. Oui, ça y est, oui. Voilà. Mais vous la connaissez ? Mais non, mais dans la grande fraternité, ils se tutoient tous. Combien de fois faut-il te répéter les choses, petit frère ? T'es bien installé, petite sœur ? Le gendarme en balade. Ah oui, avec les hippies. Nous avons des références, évidemment, cinématographiques de haut vol. Alors, le texte écrit, rédigé d'un commun accord avec toutes les confédérations syndicales, sauf Force ouvrière, s'intitule « Après le 11 janvier 2015, vivre ensemble, travailler ensemble ». C'est donc la réponse syndicale aux attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercacher. Donc, 6 mois après, le temps des syndicats. Enfin, mieux vaut tard que jamais. Kent, que pour une fois, tous les syndicats ensemble mettent un texte en commun où ils expliquent leurs valeurs et qu'ils trouvent un point commun. Est-ce que ça vous rend sensible ou... Pourquoi vous avez entendu le 11 janvier Oh, c'est une bonne question. Oui, alors déjà... Attendez, parce que nous, on n'a pas non plus toutes les réponses à tout, attention. Hein. Si vous commencez à poser les questions, on va s'en sortir. Non, il y a toutes les confédérations sauf Force ouvrière, ouais. Donc ils ne défilent jamais ensemble, mais donc il existe des valeurs qui créent une union entre eux et disent il est rare de nous afficher tous ensemble, c'est donc un moment historique. Et là, on peut se dire, eux revendiquent que c'est un moment historique, donc... Est-ce qu'on vous supputez qu'il y a une récupération possible ou vous dites d'un cœur ils veulent réanimer cette flamme de l'Union nationale qu'on a connue un temps après les attentats du 11 janvier. Ah, oh, l'Union nationale du 11 janvier, mais c'est s'en servir, c'est déjà une récupération de toute façon, parce que ça n'a rien à voir avec les syndicats, ça n'a rien à voir avec la politique non plus. Les gens qui étaient dans la rue et j'en faisais partie, on s'en branlait de tout ça quoi. On était là comme ça, même si au même instant dans les mêmes manifs, il y avait des gens qui essayaient de ramener la couverture à eux, en essayant de chanter des hymnes nationaux. Nationaux ou internationaux, ça ne prenait pas, c'était des pétards mouillés qui partaient. Quoi. On était là pour tout à fait autre chose, pour, en tant qu'individu, pour dire bon, écoutez, c'est bon, quoi. On voudrait quand même profiter de la vie, voilà, pas se faire tirer dessus parce qu'on pense autrement. Voilà. Parce que là, il y a une cause politique quand même derrière commune qui est aussi de contrer le Front National. Oui. Et alors qu'ils le disent. Oui, mais ils le disent. Pour le coup, c'est un peu les deux. De récupérer, évidemment, les ouvriers. Voilà. Voilà. Et du coup, on a l'impression que le militantisme fait ce que devrait faire la politique, en fait. Comme si le syndicalisme prenait le relais de la politique. Bah, c'est ce qu'ils ont toujours fait, non ? Souvent, ils étaient mal en main avec la politique, quand même. C'était l'idée que la politique œuvrait et le syndicalisme, derrière, atténuait, faisait attention aux inégalités, etc. Et d'après une étude Harris Interactive, les personnes se disant proches d'un syndicat auraient moins tendance à voter FN que l'ensemble des Français. Par exemple, ceux qui sont proches d'un syndicat votent à 18% FN, quand l'ensemble des Français votent à peu près à 25%. Donc, ramener les Français vers le syndicalisme. Vous avez quelle image du syndicalisme français, vous, Kent ? Moi, quand j'ai commencé ma carrière musicale dans les usines, cousine a gagné ma vie pour acheter ma guitare. J'ai plutôt un, comment je suis pour les syndicats. Oui. Vos parents, est-ce qu'ils étaient syndiqués? Est-ce qu'ils étaient syndiqués? Très bonne question. On peut rappeler la profession de vos parents, par exemple. Ils travaillaient dans les usines. Ils étaient manutentionnaires. Mon père était, comment on appelle ça maintenant, il conduisait des trucks là. Je me rappelle plus du terme. Cariste. Voilà. Ah oui, cariste. Merci. C'est oui, oui. Thomas, c'est cariste aussi. Cariste également. Ouais. Pas le permis de conduire, mais je continue. Cariste amateur. Moi, j'ai pas pu être cariste. Moi, j'étais juste aide magasinier, mais voilà. Mais oui, bon, donc dans ces conditions, dans certaines conditions de travail, évidemment qu'ils sont nécessaires et utiles, c'est sûr. Voilà, donc vive le syndicalisme et syndiquez-vous. Hein. Écoutez, nous à Radio France, on en sait quelque chose. On est bien placé pour vous en parler. C'est le moment de Thomas VDB. Oulala. Attention. Actualisique de Thomas VDB. Actualisique, un mélange d'actualité et de musique. C'est avec Thomas VDB. Actualisique, allez vas-y, cogne Thomas, vas-y, cogne dans l'actualisique. Voilà. Quel giga! Évidemment, des surprises pour Kate aujourd'hui. Alors aujourd'hui, Thomas, il y a déjà eu un hack qui est parti trop tôt. Il est parti un peu en avance. Mais ça, c'est le jingle artisanal de Thomas VDB chaque semaine. Le actualisé spécial deck. Alors aujourd'hui, c'est vrai que Clara a noté effectivement cette petite erreur qu'il y a au début. Alors aujourd'hui, l'actualisé propose une grande nouvelle. Oui. Une grande nouvelle pour les fans du groupe américain Grateful Dead. Alors c'est un groupe qui s'est fondé en 1965. Donc c'est un groupe qui, je pense, a quand même de moins en moins de fans, mais je me dis, c'est à l'antenne de France Inter que j'ai peut-être le plus de chances de m'adresser au maximum d'entre eux. Alors Grateful Dead, donc ça fait partie, déjà ce qui est bien, c'est que ça fait partie de ces groupes, dès que tu dis le nom, et ben on sait que tu t'y connais hyper bien en musique, t'es là Grateful Dead, et là les gens sont là, putain il doit hyper bien s'y connaître lui, et c'est là, ouais Grateful Dead, c'est un peu comme si tu dis par exemple Fleetwood Mac, les gens sont là, putain mais t'es bilingue, non ouais, Grateful Dead, et Fleetwood Mac, les gens sont là, putain t'es balèze. Alors Grateful Dead, il faut préciser que c'est un groupe originaire de San Francisco, et à partir de 1965, grâce à leur leader Jerry Garcia, ils sont devenus les initiateurs du mouvement hippie aux États-Unis. C'est Jerry Garcia qui, le premier, a eu cette idée de se dire, les gars, on dirait qu'on arrêterait de se laver et puis qu'on arrêterait de se raser. Et ainsi, voilà. Et alors, il l'a dit en anglais, évidemment, mais ainsi naquit la légende. Alors, il faut savoir qu'avant même d'avoir sorti leur premier disque, les Grateful Dead, ils étaient déjà hyper connus parce qu'ils avaient l'habitude de faire des grands concerts gratuits au point de rassembler autour d'eux une énorme communauté de fans inconditionnels dont certains ont même consacré leur vie entière à suivre tous les concerts de leur groupe préféré. On avait même donné un nom à ces fans du Grateful Dead, ils s'appelaient les Deadheads, c'était des barbus à cheveux longs qui prenaient quand même beaucoup trop de LSD. On marchait le gaz de shit. Voilà, le gaz de shit aussi. Alors il faut savoir qu'il y a des gens très connus, et ça c'est pas des bêtises, qui furent eux-mêmes Deadheads durant leur jeunesse, parmi lesquels Tony Blair, Bill Clinton, et c'est des gars, ils se sont dit, on dirait qu'on serait des hippies, mais qu'après quelques années quand même, on deviendrait plutôt des politiciens de droite. Alors c'est ça. Alors je sais pas s'il y a des fans de Grateful Dead autour de la table, alors à l'odeur apparemment pas, mais si c'est le cas, eh bien c'est le moment de se réjouir, car ils sortent très bientôt un coffret rétrospectif de leur carrière. Alors attention, ce coffret va coûter $700 et contiendra 80 CD. Autant dire, Kent, qu'aujourd'hui, vous me faites de la peine avec votre coffret 13 CD. Il faut savoir, 13 CD. Alors, vraiment, c'est... Alors, il faut savoir, 80 CD, les gars. Il faut savoir que c'est des... Apparemment, ils ont hésité entre sortir un coffret 140 cassettes audio ou 80 CD. Ils se sont dit, non, en 2015, il faut vivre avec son temps. On va plutôt sortir des CD. Alors, en tout cas, on peut déjà imaginer, évidemment, les débats passionnés de fans auxquels ça va donner lieu. Les gars, et moi, ma préférée, c'est la 11e du 66e CD. Toi, c'est quoi la tienne? Ah, moi, ouais, c'est la 2 du 13e. Ah, ouais, j'aime bien aussi celle-là. Mais en tout cas, voilà, je retrouve mes feuilles parce que je me perds un peu dans mes feuilles. Ça vous a été hein, prévu. J'ai bu avant le jingle. Alors, 80 CD, arrêtez de rire parce que je sens que c'est pour vous foutre de moi tout de suite. Alors, 80 CD à écouter, j'ai calculé. Si t'es fan de Grateful Dead, ça veut dire qu'il faut vraiment la bonne gastro qui te bloque à la maison pendant quelques jours ou à la rigueur, vraiment poser des RTT. Ce qui n'est pas bien grave puisqu'acheter un coffret de 80 CD à $700, c'est déjà un peu faire une croix sur ses vacances, hein, à moins peut-être d'être un politicien de droite. Alors, il faut dire qu'ils font aussi des morceaux assez longs, Grateful Dead, mais ça, c'est l'avantage de faire du rock psychédélique, parce que si, par exemple, t'as un morceau, mais il fait que 2 minutes, eh ben, c'est pas grave, tu mets un peu d'improvisation dedans, tu mets beaucoup de LSD, et t'as un morceau de 25 minutes. Ça, c'est l'inconvénient des morceaux morceau de Grateful Dead. Hein, des fois, t'écoutes un morceau, t'as l'impression que les gars, ils sont en train de faire la balance des instruments. T'as là, c'est un morceau, ça, oui, c'est un morceau. Eh ben non, mais pour les fans, c'est bien, c'est que du bonus. Hein, c'est un peu comme si, par exemple, je sais pas, si t'es fan de Grand Corps Malade, eh ben l'avantage, c'est que si t'écoutes une interview de lui, eh ben c'est l'équivalent d'un inédit. Eh ben ouais, ça, c'est il faut voir midi à sa porte. Jacques Brel. Eh ben oh ouais, j'ai gagné. Ben ouais, parce qu'il faut savoir que je terminais cette chronique par une nouvelle partie de Jacques Brel, qui est un jeu, je vous rappelle, que j'ai inventé, qui consiste à dire Jacques Brel, et le premier qui dit Jacques Brel, il a gagné. Voilà. Et je pense que c'était une belle façon de terminer cette chronique actualisée qu'aujourd'hui, malgré les yeux perplexes qui sont rivés sur moi en ce moment même. Merci Alex. Là, c'est pas juste ce que vous avez fait, parce que vous devez dire on commence une partie de Jacques Brel, et puis vous dites Jacques Brel. Mais si vous dites Jacques Brel sans prévenir qu'on commence, c'est pas juste. Et dès que je commence une chronique actualisée, on est déjà dans une partie de Jacques Brel, mon gars. Okay. Il n'est pas dans le film. On le saura pour la prochaine fois, n'est-ce pas, Kent ? Pour la prochaine fois. Le choix du coffret, c'était comment alors ? Vous êtes dit. Parce que c'est sobre, c'est la sobriété. La sobriété de quoi ? L'emballage ? Oui, l'emballage. Bah oui, c'est très beau, non ? Mais c'est magnifique, ouais, c'est un très bel objet. Oui, oui. Hein ? C'est pour ça. Magnifique objet. 3 fois de francs, magnifique. Si vous en achetez 6 ou 7, vous avez à peu près le nombre de CD que Grateful Dead. Exactement. Mais il y a des chansons que vous avez écartées ? Et vous avez bien choisi des chansons ou c'est l'intégrale de toutes c'est vos l'intégrale il y a plein d'inédits en studio. Plus. Il y a 60 inédits. Avec un CD bonus. Et est-ce qu'il y a des chansons que vous, pas que vous regrettez, mais bon, c'est pas vos préférés. J'ai tout mis, oui. La chanson hommage à Forisson, elle est dedans. C'est en remix. Il a tout mis dedans, Kent, dans son intégrale des albums studio 1982-2013, plus un CD bonus. Et puis il y a aussi son livre, Dans la tête d'un chanteur. C'est paru au Castor Astral. Ça, c'est un peu comme Manoukian, le castor astral. Parce que sinon, il y a le castor cosmique. C'est trop fait pour lui. Manoukian, allez, le castor astral. C'est Cure sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h si tu écoutes J'adule tout avec Kent. Je vous ai dit qu'il y avait Kent ? Oui. Je sais plus si il y avait Kent. Avec un beau coffret pas cher. Kent avec nous. Kent, allez-y. C'est quoi déjà comme titre ? C'est Close to Me. Allez-y. Non, vous voulez pas dénoncer? Ah oui, je dois. Eh bien, c'était les Cures qui chantaient Close to Me. Close to Me. Voilà. Vous avez perdu quelques réflexes depuis Vibrato en 2013 sur France Inter. Allez, nous sommes avec vous jusqu'à 18h. Et lui, il a acquis au fil des mois des réflexes journalistiques. Discutables. Alors qu'il n'était pas destiné à cela. Il a démarré dans l'humour. Il est en train de glisser dangereusement vers l'enquête et l'investigation. Il s'appelle Guillaume Meurice. Merci, merci pour ce beau lancement, Charline. Je me laisse pousser la moustache un peu comme Edoui Plenel. Alors moi, je me suis rendu ce matin au grand congrès mondial du gaz. Alors je sais ce que vous allez me dire. Waouh, la chance ! Et ouais. Même les gens me le disent. Waouh, tu bosses dans les médias, tu dois rencontrer des gens vachement intéressants, faire des choses hyper passionnantes. Et ouais, je rencontre Maud Fontenoy et je vais au congrès mondial du gaz. C'est génial. Non, j'exagère. Il y a des choses intéressantes. Pas chez Maud Fontenoy, bien sûr, que l'on salue. Mais au congrès mondial du gaz, car tout le monde du gaz était là, notamment la société KSB. Donc nous travaillons essentiellement sur des vannes. Bon, ça veut dire que vous avez des bonnes vannes? Nous, oui, non, on a de ce côté-là, ouais, c'est vrai que... Bon, dites-moi une bonne vanne. Une bonne vanne? Alors là, vous me prenez de quoi? Bon, pour un spécialiste de la vanne, c'est un tout petit peu décevant. Parce que moi, j'en connais des spécialistes de la vanne. Alex, par exemple. Une blague sur le gaz, par exemple. Ah bah, c'est Goebbels qui... Non, Alex, non. Une autre sur le gaz. Tire sur mon doigt. Non, bon, alors Alex, bon, c'est pas un bon exemple. Non, on a besoin de poésie, Alex, même quand on parle de gaz. Au congrès, il y avait même un stand complètement bucolique, avec du gazon, des bruitages de petits oiseaux. Qu'est-ce que cette entreprise proposait? Éviter l'émission de CO2. Mais alors, qu'est-ce que vous faites au congrès du gaz? Parce que le gaz, ça produit du CO2. Oui, effectivement, quand on brûle le gaz, on a le CO2. Ah bah oui. Et puis on fait le développement pour stocker tous ces CO2. Parce que ces CO2, c'est pas bien pour l'environnement. Ah, d'accord, c'est là où le capitalisme est balèze. Le mec te vend un système qui pollue, puis un système pour stocker la pollution. Et après, on sait pas qu'est-ce qu'on en fait pour la stocker, mais on s'en fout. Alors, j'ai voulu me renseigner auprès des plus gros pollueurs, par exemple la société Total. Alors, je vous explique comment ça s'est passé. Je suis arrivé sur le stand, ils m'ont accueilli avec un grand sourire. Ils m'ont dit, vous êtes Guillaume Meurice? J'ai dit oui. Ils m'ont dit, bah donc non. Voilà, ça commence. Je suis reparti, illico, c'est véridique. Je commence à être grillé. Alors c'est pas grave, parce que je suis allé à la concurrence, chez Engie, c'est ex-GDF Suez, pour parler pollution avec un porte-parole, Jean-Marc Leroy. Il m'a vanté... Les avantages du gaz naturel en matière de propreté, en matière d'efficacité énergétique et en matière de protection de l'environnement. Mais pourtant, brûler du gaz, ça pollue. Brûler du gaz, ça émet... le gaz est le moins polluant. Ouais, alors il n'est pas à l'aise, Jean-Marc. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on interroge un représentant de ce genre d'énorme groupe, on n'est pas tout seul avec son interlocuteur. On est avec la chef de la communication du groupe qui surveille tout ce qui se dit, mais qui du coup met une grosse pression sur Jean-Marc. Alors il était un poil stressé, il arrêtait pas de lui jeter des regards en coin, genre ça va, j'ai bon là, c'est bon, ça répond bien ou pas, c'est bon. Du coup ça m'a interpellé. Bon, je vois que vous regardez la chef de la com, est-ce que non, elle valide ou pas? Oui, tout à fait. Bon, ça va, la chef de la com valide, Jean-Marc ne sera donc pas viré tout de suite. Alors, puisqu'on parle de communication, il faut absolument que je vous parle du stand de Gazprom, parce que c'est absolument magique. Alors, on y trouve pas du tout de représentant de l'entreprise Gazprom. Non, il y a juste un énorme logo Gazprom et un terrain de volleyball avec dessus, je vous jure que c'est vrai, 4 nanas en bikini qui jouent au volley. Alors, qu'est-ce qu'il en pensait, Jean-Marc? Nous, on est très heureux. Du stand d'Engie, je crois qu'il a une très bonne visibilité. Oui, mais celui de Gazprom. On n'a pas l'habitude de commenter, je crois, ce qui se passe chez nos amis, partenaires et de temps en temps concurrents aussi. Mais vous allez jeter un petit coup d'œil sur les matchs de volley une fois de temps en temps ou pas? Je suis très occupé avec des réunions. Cette opportunité de rencontrer tout le monde gazier, c'est une opportunité formidable pour nouer des contacts, faire rayonner le groupe Engie à l'étranger. Oui, bah c'est pas avec ton costume de la halle aux vêtements qui va rayonner ton groupe, Jean-Marc. Les gens, ils veulent du bikini qui se trémousse. Témoin, ces trois jeunes mecs en costard, juste en bordure du terrain de volley. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? Effectivement, on prend le temps de débriefer entre collègues. Comme ça, devant un match de volley avec des nanas à moitié à poil. C'est ça, exactement. C'est toujours du plaisir, ça. Pourquoi vous n'avez pas la même stratégie de com que Gazprom? Vous auriez plus de clients, je pense, non? On n'en a pas forcément les moyens non plus. Bah, vous êtes plutôt beau gosse, mettez un petit slip de bain. Faut que je réponde à ça. Bah, écoute, tu fais comme tu veux, mon grand. Moi, je te donne des conseils et après, tu gères. Alors, pour vraiment pousser l'investigation, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, évidemment, je suis allé interroger une des volleyeuses qui, coup de bol, était franco-russe. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait là? Le slogan de cette année, c'est Keep Touching de Gazprom, c'est-à-dire que c'est une passe au volley-ball. Et donc, on veut dire qu'on tend la main, qu'on veut bien jouer le jeu. D'accord. Touching, je croyais que c'était pour toucher, donc je me suis dit, tiens. Non, c'est pour dire qu'on veut bien tendre la main, qu'on veut bien on veut aller vers l'avant, quoi. Et oui, et Gazprom va de l'avant avec une technique de com à base de filles à poil. C'est très innovant, hein, ça n'a jamais été fait dans la com. Comme de bousiller des ressources fossiles pour créer du gaz à effet de serre, ça aussi, c'est aller de l'avant. Remarque, c'est cohérent avec le réchauffement climatique, on va tous finir à poil et on n'aura plus qu'à aller jouer au volleyball chez Gazprom. Merci Guillaume Meurice. Donc si on est intéressé par le gaz ou par le volleyball, on peut y aller ? Ou par les filles à poil. Ouais, d'accord, très bien, parfait. Bah, écoutez, merci pour cette information, parce que je vous rappelle qu'on a quand même le service public. Ah oui. Et on ne sait jamais s'il y a des auditeurs qui sont intéressés par le gaz, ben on est ravis. Le monde gazier, comme il a dit. Qu'il soit au courant, n'est-ce pas ? Tout cela grâce à France Inter. Tant si tu écoutes, j'annule tout jusqu'à 18h, en compagnie de Kent. Deuxième sujet de cette émission, les producteurs de musique sont à Cannes pour dessiner le futur de cette industrie. Une industrie musicale qui est en train d'être sauvée, disent-ils, par le streaming. La musique dématérialisée à l'opposé des improvisations sur la plage avec une guitare et un harmonica autour du feu. Hein, et à l'opposé des gros coffrets aussi. Tu sais, en bossant une demi-heure par jour, en 2-3 mois, tu joues comme lui. Hein. Ça fait beaucoup d'effets comme ça, mais en fait, c'est archi simple. C'est basé sur une technique d'arpège et d'accords brisés. Et puis... harmoniquement, c'est très primaire, c'est des accords majeurs, de septième de dominante. C'est Manoukian. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On marque, c'est joli quand même. Ouais, mais enfin, pour un musicien, si tu veux, c'est pas très satisfaisant. Ça fait longtemps que tu fais de la musique ? J'ai fait 4 ans de piano classique au conservatoire du 11e. Là, je bosse l'harmonica parce que c'est plus agréable, surtout quand on voyage beaucoup. Eh, dis donc, tu connais Michael est de retour ? C'est Do fa sol. Hein, c'est Jean-Claude Duss dans Les Bronzés, évidemment. Kent, c'est un article dans La Croix paru aujourd'hui qui nous explique qu'entre 2003 et 2015, l'activité du disque avait perdu 70% de sa valeur. Mais que les 400 plateformes de streaming, de flux, donc hein, Deezer, Spotify, etc., sont en train de relancer la machine. Et donc, d'après La Croix, c'est même la première source de revenus numériques du secteur en France, il y a 55%. Alors, tout ça s'est dématérialisé et ça coûte parfois... du quoi 9,99€ par mois pour s'abonner et avoir droit à un océan de musique. Au moment où vous sortez vraiment votre coffret très CD plus un bonus toute votre carrière, un bel objet, et on sait que vous aimez aussi allier la musique et le livre et le dessin et que vous aimez l'objet, vous, c'est quoi votre point de vue sur le streaming qui paraît relancer l'industrie musicale? Le streaming, c'est bien. C'est bien de se chauffer la voix. Il a énormément de choses à dire, Ken, là-dessus. Oui, c'est peut-être trop long, j'étais peut-être chiant. Là. S'il fallait... Mais non, allez-y, s'il fallait retenir deux, trois choses de votre pensée. Le streaming, pour diffuser de la musique, c'est très bien. C'est quelque chose qui est arrivé, c'est le progrès, pourquoi pas. Après, c'est comment il est utilisé, comment on utilise les artistes pour utiliser le streaming, enfin, je veux dire, pour vendre du streaming, voilà, quoi. C'est là le problème, on touche que dalle, quoi. Ça relance quoi ? Ça relance l'industrie musicale, mais quelle part de l'industrie musicale ? Les producteurs, ça met plein les fouilles ? Non, c'est pas... Et les producteurs, c'est sur les plateformes, non, c'est les moins bien lotis. Ça, on le sait, enfin, c'est moins bien lotis. Ils sont mal lotis aussi. Parce que les producteurs demandent beaucoup. Voilà. Les producteurs, j'ai un exemple sous les yeux. On a déterré avec une association de musiciens que j'ai créée qui s'appelle La Gamme, la Guilde des artistes de la musique. On est présent au MIDEM en ce moment d'ailleurs. On a déterré une lettre Sony qui évoque les relations Sony Spotify, donc une majeure avec une plateforme de streaming Sony Spotify, et qui raconte que Sony a reçu de Spotify 40 millions de dollars pour l'exploitation en licence, un accord de licence de 2 ans plus un an d'option pour leur catalogue sur Spotify. Bon, c'est bien, sans compter le contrat publicitaire qui s'élève, soit, je crois, à 9 millions de dollars. Voilà, sur ce 40 millions de dollars, supposons que Spotify, à la fin des 2 ans, le passage au streaming sur Spotify rapporte uniquement 35 millions à Spotify. les 5 millions de dollars qu'encaissait Sony, elle ne reverse rien aux artistes sur les 5 millions de dollars, par exemple. Voilà. Ah, ça, c'est intéressant. C'est là le problème. Voilà. Et après, les 35 millions, ce qui est reversé, c'est en fonction du contrat d'artiste avec la maison de disques. C'est peanuts, parce que le streaming, c'est quelque chose qui n'existait pas quand on a signé les contrats de maison de disques, quand ils ont été créés. On dit que c'est une manière de diffuser notre musique, comme un CD ou je sais pas quoi, mais c'est immatériel. C'est pas de la radio, parce que c'est on fait ce qu'on veut avec. C'est pas un achat, c'est une location. Ça n'existe pas, c'est quelque chose qui n'a pas de statut. Alors dans la Croix, il y a un représentant de l'ADAMI, donc la société qui gère les droits des artistes interprètes, qui dit que sur un abonnement à 9,99 euros, l'artiste ne touche que 46 centimes d'euros. Bah, c'est simple. Voilà. Si vous écoutez sur Deezer, si vous écoutez du Kent sur Deezer, par exemple, si vous cliquez 10 000 fois Kent sur Deezer, ça me rapporte 62 euros. Si vous écoutez, voilà, 10 000 fois. Et en plus, on risque de louper les chansons, le côté très création, parce que vous dites, donc, quand on compose un album, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage Dans la tête d'un chanteur, édition Le Castor Astral, quand on compose un album, on met entre des titres accrocheurs les titres qui le sont moins, mais qui sont la création et auxquels on peut passer au travers. Ah ben ça, c'est une autre histoire, c'est l'usage que va faire l'utilisateur du streaming. Est-ce qu'il veut écouter tout l'album, est-ce qu'il veut saucissonner, ça, c'est une autre histoire, c'est clair. Mais ça change la façon de faire la musique aussi. Ça, voilà. Bon, ah oui, c'est un sujet vaste qui me fout les boules, donc c'est difficile dans l'émission. On l'a senti. Mais on peut pas refuser quand on est artiste, on peut pas refuser d'être sur ce genre de plateforme. Oui, Paul McCartney peut refuser, mais je sais pas, il y a plein d'artistes, des millions d'artistes qui ne peuvent pas refuser parce que de toute façon, ils disent c'est une façon de se faire connaître. Mais voilà quoi. Ouais. McCartney évidemment, on n'est pas en streaming, je sais plus qui, et tous les grands noms ils sont pas. Il vient maintenant. Les Beatles n'y sont pas. Kent a les boules sur le streaming et pour vous détendre, il y a Clara Dupont-Mono. Oui, bonsoir Kent. C'est un jingle. C'est mon hack. Oui, parce que l'actualité, c'est aussi le tweet malheureux d'une journaliste anglaise qui a annoncé hier par erreur la mort de la reine d'Angleterre. Donc, Vendée froid outre-Manche, la BBC s'est platement excusée, la journaliste n'est plus qu'une flaque de larmes et la planète entière a ricané sur le mode « Ah ah, bah bonjour l'humour anglais ». C'est ici, Kent, que la littérature intervient pour réparer un amalgame, justement, et eh bien non, l'humour anglais n'a rien à voir avec ce tweet de mauvais goût. Et pour le prouver, voici que paraît en poche un petit livre anglais très acidulé, intitulé « La dame à la camionnette » et il est signé de Alan Bennett. Alan Bennett, on le connaît pas vraiment en France. Outre-Manche, il est très connu. Ça fait 30 ans qu'il écrit des choses très très drôles et il incarne parfaitement ce qu'on appelle l'humour anglais. La dame à la camionnette, c'est l'histoire d'une vieille dame qui est SDF et qui vit dans une camionnette absolument répugnante et qui décide un jour de garer sa camionnette dans le jardin d'Alan Bennett. Sauf que ça va durer 20 ans. Elle va rester dans sa camionnette, avec sa camionnette dans le jardin, pendant 20 ans. Alors, de ce pitch de départ, qu'est-ce qu'aurait fait, si je suis un peu caricatural, qu'est-ce qu'aurait fait la littérature française ? On aurait eu certainement un essai sur le déclassement social du troisième âge, avec les bonnes feuilles en exclus dans le Nouvel Observateur. On aurait eu un texte d'Annie Ernaux, qui se met dans la peau de la SDF, et la quatrième de couverture aurait dit un texte féroce et tendre d'une poignante modernité. Ou alors, on aurait eu la réflexion d'un think tank socialiste intitulé « Désir de réinsertion, réinsertion du désir », à tous les coups. Bref, on n'aurait rien eu de drôle. Eh bien, les Anglais, eux, ils n'ont aucune mauvaise conscience et ils pratiquent le sarcastique. Il se trouve que la vieille dame d'Alan Bennett, dans ce livre, elle est imbuvable, méchante, elle est mythomane. En plus, elle a plein d'argent qu'elle a planqué à la banque. Elle fait vrombir le moteur de sa camionnette chaque dimanche matin, très tôt, pendant une demi-heure. Elle crie « bouclez-la » aux invités d'Alan Bennett quand ils partent trop tard. Et elle écrit à Margaret Thatcher en lui disant « vous n'avez pas compris que la dame de fer dans ce pays, c'est moi ». Donc c'est vous dire le numéro, on dirait un mélange de Charline et moi réunis. Dans sa camionnette. Il se trouve qu'en plus, il y a plusieurs couches, mais alors paléolithique de crasse, surtout qu'en plus la vieille dame a une drôle de manie, c'est qu'elle fait sécher ses serviettes hygiéniques sur la plaque chauffante, d'où l'odeur pestilentielle. Ah, voilà. Non mais restez Kent, restez. Alors, et malgré ça, pourtant la cohabitation dure 20 ans. Et Alan Bennett, comme il n'a pas le courage de la mettre dehors, pas le cœur, mais pas le courage de la mettre dehors, il raconte leur cohabitation, mais on l'a compris, sans un gramme de misérabilisme et avec beaucoup d'humour. Et c'est là où il faut quand même se souvenir que le mot « humour » est d'abord initialement un mot anglais, qu'on traduisait au tout début en français par le mot « humeur », mais c'est bien un mot anglais. C'est à la Renaissance qu'un auteur anglais, encore, qui s'appelle Ben Jonson, qui était le grand rival et aussi le grand copain de Shakespeare. Qui courait très très vite. Comment ? Qui courait très très vite, Ben Johnson. J'en étais sûre. Je me suis dit, est-ce que ça va venir de ma droite ? Voilà. C'est venu de ma droite, donc. C'est lui, Ben Johnson, qui a donné au mot humour sa dimension comique. Et à la même époque, à la Renaissance, la France, qu'est-ce qu'elle développe ? Elle développe les jeux de mots, qui est d'ailleurs beaucoup plus un signe d'esprit que d'humour. Tandis que l'Angleterre, de son côté, développe justement ce côté pince sans rire qui sera la marque de l'humour anglais. Alors, à ce fond de sauce caustique, va arriver, il y a le 19e siècle, et à ce fond de sauce caustique, l'Angleterre va rajouter une pincée de ce que moi j'adore, et Pierre Desproges ne va jamais exploiter que ça, qui est l'absurde. Le fameux nonsense anglais. Et celui qui a initié ça, c'est Lewis Carroll, le père d'Alice au Pays des Merveilles. Relisez Alice au Pays des Merveilles, ça n'a littéralement aucun sens, justement. Et après, il y a eu Trois hommes dans un bateau, de Jérôme K. Jérôme, qui est hilarant, lisez-le si vous ne l'avez pas encore lu. Il y a eu Churchill, qui disait « Quand on tue quelqu'un, ça ne coûte rien d'être poli ». Ce qui est assez juste. Et aujourd'hui, on a Alan Bennett, donc on a David Lodge, on a Julian Barnes, on a Tom Sharp. Alors lui, écoutez les titres de Tom Sharp. Son titre de livre, c'est « Comment échapper à une femme et à ses quadruplés en épousant une théorie marxiste ». C'est quand même, mais c'est tout un poème déjà. Ou alors il a aussi écrit comment se sortir d'une poupée gonflable et de beaucoup d'autres ennuis. Voilà, c'est préfacé par Alex Vizorek. En tout cas, Alan Bennett, il a fait plus simple dans le titre. Ça s'appelle La Dame à la camionnette et c'est sorti en folio. Merci Clara Dupont-Monod. Tiens, tant que j'y pense, je vous annonce, chers auditeurs, que le vendredi 19 juin, on sera en direct et en public du studio 104, en compagnie d'Yvan Le Bolloc. Et son groupe, ma guitare s'appelle Reviens, venez nous voir. Si Kent, vous serez venir. Bientôt aussi au 104. Ah oui, oui, oui, le 10 juin. Le 10 juin, Kent au 104. Tout ça, c'est sur maisondelaradio.fr pour s'inscrire. Troisième sujet, le mal du 21e siècle, c'est l'impossibilité de se concentrer. C'est peut-être censé être interrompu par son téléphone, par un match de Roland-Garros. C'est aussi travailler dans le même bureau que Vizorek et Meurice. Alors moi, je me réfugie sous mon casque et Clara Dupont-Monod aussi, elle a son truc. Depuis que je me suis lancée à fond dans la calligraphie, j'ai l'impression d'avoir retrouvé une forme de sérénité. Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ah oui, vous en faites tous les jours ? Ah non, pas tous les jours. Mais hier, par exemple, j'avais un petit coup de mou, j'ai fait toute une série de paix, ça m'a bien détendue. Voilà. C'est honteux. Comment se concentrer ? Alors, figurez-vous que le point fait sa couverture sur comment réapprendre à se concentrer, tandis que l'Express, cette semaine, les prodiges de votre cerveau. Et chacun explique comment il se concentre, parce que c'est vrai que c'est un problème, c'est le mal du 21e siècle, nous dit-on. Alors, il paraît, par exemple, Nathalie Dessay explique que lorsqu'elle chante, elle ne met pas ses lentilles, comme ça elle voit des formes, mais elle ne voit pas le visage des gens. Je fais pareil. Vous faites pareil, Kent ? Je mets pas mes lunettes sur scène, parce que ça, tout est flou et je suis ravi. Et c'est un moyen de vous concentrer ? Ah oui. Si je croise un regard, hop, je pareil. Hein. Et quand vous écrivez... J'enlève mes lunettes. Et après, j'ai plein de relire. Bah écoutez, on va relire différemment tous vos textes dans votre coffret intégral. Quand vous écrivez vos paroles ou quand vous composez la musique, vous arrivez à vous isoler complètement pour vous concentrer, de ne jamais être interrompu par toute la modernité ambiante. Vous pouvez me répéter le début de la phrase parce que j'ai pas entendu. J'ai pas concentré. Quand vous travaillez. Jacques Brel. Ah bravo. Non. Non là, je sais pas. Je crois que la déconcentration est utile aussi parce que c'est. Je crois que c'est l'inspiration, c'est aussi des formes d'accidents, d'idées qui se percutent entre elles et quand on est trop concentré sur une idée, je pense voilà. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'accidents dans le bureau toute la journée pour faire cette émission. Avec notamment Nathalie Romero et Claire-Sophie Collet et Benjamin Riquet à la réalisation qui nous aide à préparer cette émission. Et il vient d'entrer, il est concentré lui. C'est l'heure de... Enfin, je sais pas s'il est concentré. Enfin, en tout cas, c'est un concentré. La semaine dernière, nous étions à l'Opéra mardi. Il a réussi à nous disputer avec tout le milieu lyrique. Frédéric Fromet, avec qui on va se disputer ce vendredi. Alors, hier, une copine italienne m'a reçu chez elle en s'exclamant « Eh, salut, t'es venu !» D'où cette chanson pour Thomas Thévenou. Thévenou et tout n'est pas parti. Tout est toujours député pardi. Thévenou et tout n'est pas parti. Tout est juste un petit peu étourdi. Tout n'a pas déclaré les sous-sous. Tout n'a pas payé les loyers non plus. Tout a fini par payer en retard. Tout savait pas, tout vient des Saône-et-Loire. Ailleurs la vie, elle est vraiment trop dure. Y'a tout you, y'a tout you des factures. L'ex-présidente Edelina m'a dit il manquerait plus que tu prennes les taxis. La putana, t'es venue et tout n'est pas parti. Toi, peut-être Trop la phobie tout départ. T'es venu et tout n'est pas parti. Pauvre Toto, vite, vite, une mouchoir. Heureusement, tout n'est pas effrayé. Des touchés, ton salaire des députés. Tu as choisi la bonne circonscription. Y'a que dalle à dépenser en Bourgogne. Mais y'a toujours les impôts qui dépouillent. Toujours l'argent, où est passé l'amour? La finance, disait l'autre, ouïouïouï. Ton adversaire, à toi, c'est la facture. Va fond coulo, t'es venu, et tout n'est pas parti. Tu n'es pas dans ton assiette fiscale. T'es venu, et tout n'est pas parti. Comme des SK, t'es une sentimentale. C'est comme un blocage psychologique. Tout n'est pas intéressé par les frics. Un est certain causa qui m'églisse. Que tout devrait te faire soigner en Suisse. Où tout pourrait aussi te rapprocher du Big Boss d'Eleval ou Appéré. Ou alors faire un job adéquat. Tout pourrait présider la FIFA. Et Uno est doué et très escroc. T'es venu et tout n'est pas parti. Tout est toujours député pardi. T'es venu et tout n'est pas parti. Parti, tout peut télécharger. Ma chanson, c'est gratuit. Merci Frédéric Frometto. L'Italian lover Frédéric Frometto. Et vous n'avez pas de streaming, mais on peut vous retrouver sur Dailymotion, sur franceinter.fr, vous voir en vidéo. Sur le site Frédéric Fromet. Et aussi Frédéric Fromet, bien sûr. Nous étions avec Kent pendant une heure, je peux faire la liaison. Parce que voilà, Chirac, il était, mais avec... Merci Kent d'être resté avec nous, avec cette équipe de Saltimbanque. C'était un plaisir de vous avoir. Mais, le plaisir était pour moi, merci. Je rappelle qu'on a fêté là, pendant cette heure vos 30 ans de carrière. Il y a notamment le coffret de l'intégrale de tous vos albums, 14 albums, 13 plus 1, c'est des bonus. Vous serez en concert au 104 le 10 juin. Venez nombreux, inscrivez-vous sur maisondelaradio.fr. Et puis, vous serez en tournée. Et puis, il y a bien sûr l'ouvrage Dans la tête d'un chanteur aux éditions Le Castor Astral. Merci à tous, Clara Dupont-Mono, Thomas VDB, Guillaume Meurice, Alex Vizorek. Écoutez, alors, qu'est-ce qu'on a lundi? C'est une bonne question. Très très bien, je pense. Très bien, formidable. C'est Bruno Solo, voilà. Mais oui, en plus on l'adore. Merci la régie, merci l'équipe. Nous sommes une équipe, c'est formidable. Et le mot de la fin pour vérifier si vous étiez bien concentré pendant toute cette émission en compagnie de Kent. Pouvez-vous me dire le numéro du compte en banque de madame? Oui. Vous pouvez le dire? Oui. Il peut le dire, c'est pas vrai.